Fermez la console et ouvrez les yeux. Bougez-vous un peu, il faut que vous décrochiez. Ça ne peut pas continuer. Chantez, chantez, gueulez, gueulez, hurlez, hurlez. Il faut se lâcher, parler, charmer, charmer, draguer, draguer. Il faut y aller, ça n'est pas bien compliqué. Chantez, chantez, gueulez, gueulez, hurlez, hurlez. Il faut se lâcher, coucher. Même si c'est pour une soirée, la vie est bien trop courte, il faut savoir s'éclater. Au lieu de te lamenter, d'être seul et mal aimé, bouge ton cul et va t'éclater. Il ne faut pas hésiter, ta vie n'est pas figée. Prends ton souffle, il te suffit. Chanter, gueuler, il faut se lâcher, parler, charmer, draguer, il faut y aller, ça n'est pas bien compliqué. Chanter, gueuler, hurler, il faut se lâcher, coucher, jouer, jouisser, il faut s'aimer, même si c'est pour une soirée. La vie est bien trop courte, il faut savoir s'éclater. C'est compliqué, son refus t'a ébranlé. Bouge ton cul et va t'éclater. Il faut juste recommencer, tu finiras par te blinder. Prends ton souffle, il te suffit de chanter, gueuler, hurler. Il faut se lâcher, parler, charmer, draguer. Il faut y aller, ça n'est pas bien compliqué. Chanter, gueuler, hurler. Il faut se lâcher, coucher, jouer, jouisser. Il faut s'aimer, même si c'est pour une soirée. La vie est bien trop courte, il faut savoir s'éclater. Le week-end arrive, à nous la belle vie. On va s'éclater, il faut en profiter. La brune aux yeux noirs, la fille du taulier, la belle blonde platine ou la rousse pafarouche, il va falloir assurer. Chanter, gueuler, hurler. Il faut se lâcher, parler, charmer, draguer. Il faut y aller, ça n'est pas bien compliqué. Chanter, gueuler, hurler. Il faut se lâcher, coucher, jouer, jouisser. Il faut s'aimer.